Le baron alla promptement chez le maréchal-prince de Wissembourg, dont la haute protection était sa dernière ressource. Protégé par le vieux guerrier depuis 35 ans, il avait les entrées grandes et petites. Il put pénétrer dans les appartements à l'heure du lever. « Eh bonjour, mon cher Hector !» dit ce grand et bon capitaine. « Qu'avez-vous ? Vous paraissez soucieux. La session est finie, cependant. Encore une de passée. Je parle de cela maintenant, comme autrefois de nos campagnes. Je crois, ma foi, que les journaux appellent aussi les sessions des campagnes parlementaires. Nous avons eu du mal, en effet, maréchal. Mais c'est la misère du temps, dit Hulot. Que voulez-vous ? Le monde est ainsi fait. Chaque époque a ses inconvénients. Le plus grand malheur de l'an 1841, c'est que ni la royauté ni les ministres ne sont libres dans leur action, comme l'était l'empereur. Le maréchal jeta sur Hulot un de ces regards d'aigle dont la fierté, la lucidité, la perspicacité montraient que, malgré les années, cette grande âme restait toujours ferme et vigoureuse. « Tu veux quelque chose de moi ? » dit-il en prenant un air enjoué. « Je me trouve dans la nécessité de vous demander, comme une grâce personnelle, la promotion d'un de mes sous-chefs au grade de chef de bureau, et sa nomination d'officier dans la Légion. Comment se nomme-t-il ? » dit le maréchal en lançant au baron un regard qui fut comme un éclair. « Marneffe !»